Les moines, extrait du recueil portant le même nom. Je vous invoque ici, moines apostoliques, encensoir d'or, drapeau de foi, trépied de feu, astres, versant le jour au siècle catholique, constructeurs éblouis de la maison de Dieu. Solitaires assis sur les montagnes blanches, marbre de volonté, de force et de courroux, prêcheurs, tenant levés vos bras en longues manches, sur les remords ployés des peuples à genoux. Vitraux, avivés d'aube et de matin, candides, vases de chasteté ne tarissant jamais, miroirs, réverbérant, comme des lacs lucides, des rives de douceur et des vallons de paix. Voyant, dont l'âme était la mystique habitante, longtemps avant la mort, d'un monde extra-humain, torses incendiés de ferveur haletante, rocs barbares, debout sur le monde romain. Arche, dont le haut cintre arquait sa vastitude, avec de lourds piliers d'argent comme soutien, du côté de l'aurore et de la solitude, d'où sont venus vers nous les grands fleuves chrétiens. Clairon, sonnant le Christ à belle claironnée, tocsin, battant l'alarme, à morne glas tombant, tour de soleil, de loin en loin illuminé, qui poussait dans le ciel vos crucifix flambants.